Mon caca pourri, il fesse dans mes culottes. Mes écouteurs aussi, et mon cul aussi, et liberté aussi, et j'ai une nouvelle chanson là, qui est rigolote, c'est ça. Liberté, mon cul, fraternité, mon cul, égalité, mon cul, fraternité, mon cul, fraternité.